Haïti. Chargé de toutes ces expériences, s'illumine de la lumière qui pointe à l'horizon. Et mon retour au pays se passe avec beaucoup de douleur et de souvenirs nostalgiques. Fati, Fati, Fatima, ma bien-aimée. Très longtemps que nous nous sommes vus. Depuis l'année dernière, pendant les vacances, pour mon retour d'Abidjan à Cotonou, je n'avais rien.